émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial DJ Amida. Passez une bonne soirée, bienvenue dans ce nouveau Planète Rap avec DJ Amida. Qui est où? Ah, t'es là? Je me disais, t'es passé où? Ça va bien Amida? Ah, on t'entend pas, on va t'entendre dans un instant, voilà là. Normalement, on va entendre ta belle voix. Aïe aïe aïe. Voilà, aïe aïe aïe. Comment ça va? Très très bien. En pleine forme? En pleine forme. Elle a bien mix party dans les bacs depuis le 2 juin. 2 juin. 2 juin. On peut le commander même digitalement si digitalement, on, voilà, on peut. En plateforme digitale, iTunes, Fnac. Mais aussi en support physique. Tout à fait. Va le chercher, on vient de chercher. Ah oui, toi aussi. Et tu viens plusieurs? Ouais. Vous êtes nombreux? Je vais avec la perruche. Ah bah. Tiens, mets bien ton casque par contre. Ça, c'est le vrai problème que j'ai avec toi, hein, Amida. Ouais, les casques, j'aime pas trop les casques. C'est une autre histoire. Ouais, c'est une bon, que va-t-il se passer ce soir dans l'émission? Je vois du beau monde autour de la table de Planète Rap. Je vois des retours. Avec... Ouais, des retours. j'avais perdu de vue un mec. Et il a débarqué comme ça à l'improviste. Lui? Ouais, la vis. Lui-même? Lui-même, le tonton. Le tonton est de retour? Ouais, Amo, il est là, frère. Rimka est avec nous, comment ça va? Ça va la famille, tout le monde va bien? En pleine forme? Ça va, merci, c'est gentil. Tout va bien? Ouais, j'ai eu des problèmes de papier. J'étais coincé au bled. Tu es parti au Brésil aussi ou pas? Non, j'ai pas pu suivre hier ce match? Ouais, franchement, très beau match. Très beau match de l'Algérie, il faut être fier parce que on a une belle équipe. Voilà, Momo. Jeune. Bien, bon, on aurait dû attaquer un peu plus, mais sinon, bien. Ben, on n'est pas encore éliminé. On a bah, rien n'est perdu, il reste deux matchs. Faut être confiant, faut être. Détendu. Faut être détendu et voilà, faut être sûr de nous, voilà. Au calme. Bon, tout va bien sinon, à part ça, la musique, le son. Bien, tout va bien. Je suis content d'être là avec Hamida, c'est une bonne chose. Je suis content pour lui parce que c'est un frérot. Voilà, et c'est des mecs qui travaillent depuis très longtemps et aujourd'hui ils récoltent juste les fruits de leur travail, donc ça fait super plaisir. Merci à toi, Ray. Tu as perdu un petit bout de carton sur lequel tu es. Attendez que j'allume ça, vous allez moins discuter. Tu paraissais très occupé, Rimke, je l'ai vu tomber. Et donc, ça y est, le trio est constitué. Ça y est, on a le trio. Ouais, on a le trio. Puisque lundi, on est arrivé, il y avait Kaina qui était là et qui est de retour ce soir. Ça va bien, Kaina? Ça va bien, Fred. Et toi, en pleine forme? Ouais, super cool. Tout roule? Super cool. Et puis l'artiste qui est là aussi. Salut. Ça va? Ça va, Fred? Et tous les trois, ils sont sur le morceau Déconnecté. Tous les trois. Ouais. Donc on va l'écouter dans un instant, ce morceau. Okay. Et on va se rappeler surtout ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Petit replay de l'émission, petit replay du Planète Rap. Bienvenue, DJ Amida est là, comment ça va? Très très mal. Oui, tu arrives quand même en diplomate. Je vois quand même la tenue que tu as. Tu as une écharpe d'Algérie, évidemment, pour soutenir l'Algérie. Toujours. Un t-shirt du Maroc. Toujours. Alors ça, c'est peut-être pour essayer de... Tunisien. Ah, j'ai pas été vérifié jusque-là, mais merci, c'est vrai. Ria, bref, j'tar. Elle veut pas se compliquer la vie avec un mec qui sort du j'tar. Elle ne veut pas la vie de star. Elle veut un temps et bingo. Elle veut bronzer sur le star. Awaran avec ses bingo. Allez, c'est parti. Petit mix maintenant par même gros mix maintenant par Amida au platine. On rappelle que c'est à la bien mix party. C'est dans les bacs depuis le 2 juin, c'est parti. Amido. Yes. Ah, il manque du thé là. Ok, une chatte, ça y est, bienvenue au Maroc. C'est soit t'es riche, soit t'es pour. Tu t'amuses comme un dingue, même si tu n'as pas de loup. Bienvenue au Maroc. C'est ici que je m'imagine. Je m'en tape de vos départements, je représente mes origines. Bienvenue au Maroc. Marbe Bekoum, Foubledi. Les lions d'Atlas sont dans la place, y'a Aïdil qui me l'a dit. Bienvenue au Maroc. Et y'a la sûreté nationale. Et si tu poucas pas, moi je te dis ça va faire mal. Bienvenue au Maroc. Attention. 140 squad. Elles sont où les filles? Elles sont pas là. Elles ont mis des t-shirts fluo. Je veux rien. Mauritanien, Cameroun, Maroc, Sénégal. On y va. Papa n'est pas là, donc c'est le boxon. Maman est plus tard. Elle se pose des questions. Sous vodka, tu perds la raison. Attends, là-bas, ce serait pas ton refton. Prends ton sac, prends la fuite, ça sent pas bon. Pose ta clap en même temps que la poisson. T'as fait tourner la tête de ce garçon. Et faut ton garde la pêche et ton bifton. Skyrock. C'est Skyrock et c'est donc le Planète Rap. Ça, c'était hier soir dans l'émission. Les images sont aussi dispo sur skyrock.fm. Allez faire un tour pour tout retrouver. C'est ça. Donc, ce soir, il se passe quoi? Alors, Amida, il paraît qu'il y a du live. Il y a un gros live de prévu ce soir. Avec l'artiste. Rimka, Kaina.

C'est ce qui ressort chez lui. C'est ce qui ressort chez lui, hein, principalement. Voilà, voilà. Bah écoute, merci et bienvenue. Hein. Big up à merci, toi. Merci. Là, avec tout le monde, avec tous les potos qui sont là ce soir dans le studio. Merci. Et il y a aussi donc l'artiste qui est là, Kaina Samet qui est là, Rimka. Un petit mot, tu veux quand même peut-être nous dire un petit mot sur Rimka que t'as dû écouter toi quand t'étais plus jeune. Rimka, c'est mon enfance. Voilà, c'est ça. C'est que c'est... de l'avoir là sur un projet et sur notamment ce morceau Déconnecté. C'est un honneur. C'est un honneur. Tu vois. Quand t'as écouté Truc de fou. Quand t'étais petit, dans ton Walkman cassette avec des piles salines, ça y est gros. Que t'as niqué la cassette et que t'étais dégoûté. Ouais, non, franchement. Tu mettais les piles au frigo pour gagner deux heures. Ouais, hein. T'as tout compris. Ouais. Ouais, non, système, depuis hein. Ni barreaux, ni limites, ni frontières, c'est vraiment. Ça m'a... C'est un truc qui m'a choqué. J'ai dit, c'est quoi ce son? Tu vois, et j'étais en plus petit. Hein. Donc, mais même moi, ça me fait plaisir d'être dans le projet du frérot parce que on a des histoires en commun. On s'est rencontrés. Je crois la première fois que je t'ai vu, c'est à Madrid. À Madrid, j'étais tout seul à Madrid. On s'est vu à Madrid en concert. Et toi, t'étais en concert avec 113 ou ouais, j'étais en concert Rimka ou 113, je sais plus. Rimka, ouais, on avait passé. On avait passé un bête de séjour. On s'est rencontrés là-bas. Depuis, on s'est jamais lâché. On est des frérots et. Et elle est venue à Tizi Ouzou l'année dernière. Ouais, il y a deux ans avec moi. On en garde des souvenirs de ouf. La Kabylie, la vraie, mon frère. Ouais. Tariq aussi qui était là. Donc voilà, c'est toute une histoire et ça fait plaisir qu'il soit là aujourd'hui. Merci et à toi. Ouais, c'est son Planète Rap cette semaine entre 20 et 21. Rimka, ça va, ça bosse sur quoi là, Yes? Moi j'ai entendu des trucs. Hein. Ouais. Moi, ouais, dès évidemment, il y a ton album solo. Ouais, je travaille. Il y a des petits sons qui sont arrivés à droite, à gauche. Exactement, et puis en attendant de faire découvrir mon album solo, parce que je suis encore en train de le travailler, et ben j'envoie les hors-série. Là on est déjà au numéro 3, donc allez voir ça sur ma chaîne YouTube Rimka Officiel. Vitrio de Janeiro. C'est violent, toute la ville est cagoulée. Vitri, la ville des Braco, mon frère. Dédicace à Bondi, c'est la famille aussi. Vous savez déjà. Aïe. Non mais on m'a dit aussi 113, un nouveau projet là, c'était dans les tuyaux, ça commençait à y réfléchir musique, sérieusement. Je vais pas mentir, moi la musique c'est ma vie, je fais ça depuis que j'ai 15-16 ans, donc à partir de là, ouais, des projets on en a plein, on travaille sur plein de choses et y a jamais rien de mort. T'as vu, tant que nous on est là, on aime ce qu'on fait, on sera toujours là, y a pas de problème. Très bien, voilà. Bon, on va suivre ça. Aïe. Mais t'as rien à annoncer de particulier pour l'instant? Pour l'instant non. Non, ça va aller. Si il y a le match de l'Algérie là dimanche, ouais. Ça, contre la Corée, donc on compte sur tout le monde. Petit pronostic ou pas? Ou tu vas ouais, t'hasarder dans les pronostics? On va gagner, je pense. Inch'Allah, je le souhaite. Inch'Allah. Kaina, ouais. Tu vas pas dire le contraire non plus, David. Forcément. À fond. T'as suivi toi hier? Bien sûr, j'ai suivi. J'étais triste. Mais... Bah, je vois, tu as mis des lunettes aujourd'hui pour cacher cette tristesse. Non, parce qu'ils sont tous en mode lunettes, je me dis pourquoi pas moi. En même temps, c'est l'été, hein. C'est le moment où jamais de les sortir. Ouais, voilà, exactement. Bon. Non, mais pour en revenir à l'Algérie, voilà, c'est mon pays, je le soutiens, vive l'Algérie. Et de toute façon, nous, les Algériens, on est déterminés. Même si on a perdu, on a gagné en vrai. C'est nous les meilleurs, quoi qu'il arrive. Et puis il reste encore deux matchs, donc rien n'est perdu et on suivra ça la suite de la compétition là d'ici quelques jours sur Skyrock. On va revenir dans un instant, on va même pas revenir, on va balancer tout de suite un autre morceau. Qu'est-ce que tu voulais qu'on mette, Amida? Pardon. Bilcus, le Bilcus. Attends, on m'a dit un titre dans l'oreillette, redis-moi Fab, j'ai pas entendu. Ce soir je m'ambiance. Yes. Ça vous convient ce soir? Mon poteau Blaze, Vitaneuse, 9-3. Un petit mot sur ce morceau, dédicace à Blaze. Donc c'est un poteau à moi que j'ai connu il y a 3-4 ans aussi, qui bosse avec moi sur des mixtapes. C'est un artiste super super super talentueux. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc il a fait une petite hymne pour les mecs du 9-3. Ce soir je m'ambiance. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des mecs du 9-3 ici? Ah ben, on va s'ambiancer. Donc alors a priori ça va être une sacrée ambiance. Les images sont dispo sur Skyrock.fm, sur l'application Skyrock. Vous avez l'émission avec le son et l'image. Et bah allez-y, allez cliquer. Et on écoute maintenant le morceau sur Skyrock. Ce soir je m'ambiance. Ce soir je m'ambiance. Ce soir je m'ambiance. Je suis avec mon équipe et tous mes potes décalés. Ce soir je m'ambiance. T'as pas d'embrouille chez nous. Ce soir c'est 4 pas près. Dernier pas de danse, repêcher un gros flow. Toujours efficace, petit top star West Coast. Dernière co-ego, lunettes Razal. J'ai plus son nom, y'a tellement de go, faut que j'la chasame. J'suis dans mon 9-3, origine Rockmar. Avec mes Losa, wesh wesh cousine. Jamais dans la cuisine, chicha. Oui, oui. Hôtel Marrakech, tout de suite. Ouais, mais qu'est-ce que c'est place, Britanneuse. Marocino Uno, pour les titres à l'heure. je veux du soleil, ouvre la mouette. Dieu strip, lâche pas bébé, je suis dans mes poèmes. Rarement honnête, fumier on connaît. Je suis une comète, je fais danser l'assemblée. Hombre, on fait pas semblant de sombrer. Un peu de weed, de jack et je suis en fait. Je suis avec mon équipe et tous mes potes décalés. Cléo, une pro, sont armés comme Mera. Dans le poste numéro 1, c'est Hamida. Accompagné de 2-3 LBA. On accélère même dans les virages. PH, Paris, Lyon, Paris, Lille, Paris, les nuages. S'il faut une gay, je suis toujours au-dessus. C'est des taux 20, négé, je suis un godzer. Change pas moi, je m'en bats les ch. Demande à Kacha, bienvenue au Rockma. Mega Flow, Jima, Mjina, Jima. Casablanca, armé comme les Bima. Et la Rosinda, ambiance de Fuga. Pas de cure dans négé, j'aime la Chehma. Vas-y, brûle la piste, tu marocains comme l'artiste. Alors bien c'est Hemi dans me. Je suis avec mon équipe et tous mes potes décalés. Ce soir je m'en vais, t'as pas d'embrouille chérie. Ce soir c'est 93. Ce soir je m'en vais, quand c'est danse pour moi et pour les mecs de ma tête. Ce soir je m'en vais, sans du Hemi dans, lève le son dans le tasse. Ce soir je m'en vais, je suis avec mon équipe et tous mes potes décalés. Ce soir je m'en vais, t'as pas d'embrouille chérie. Ce soir c'est 93. Ce soir je m'en vais, quand c'est danse pour moi. Skyrock et c'est le Planet Trap avec DJ Amida et ce morceau. Ce soir, je m'ambiance à l'instant. Ambiance, Blaze, big up à toi, frérot. Pareil, un autre morceau qui a été testé, tu nous le disais en soirée, tu les testes toutes, tous les morceaux. Oui. C'est un morceau qui revient beaucoup aussi en soirée. Quand je le teste, il marche super bien. Est-ce que tu as des soirées d'ailleurs? Il y a des gens qui demandent si tu passes prochainement près de chez eux. Oui, à partir. Alors ça, je sais que demain, ce week-end. Ce demain, week-end. Jeudi 19, je serai avec l'artiste au White Dream à Paris. Yes. Ouais. Vendredi 20, je serai au 8 à Views en Salas dans le 74. Mm-hmm. Et samedi 21, je suis au Pacha à Marrakech. Oh. Chiant la fin de semaine. Non, lourd. Lourd la fin de semaine. Retour aux sources. T'imagines le truc? Donc ce week-end et après il y a d'autres soirées, on peut te suivre où d'ailleurs? Rappelle les adresses. Sur mon Instagram DJ Hamida 71 et sur ma page officielle DJ Hamida. Pareil pour l'Instagram et sur ma chaîne YouTube DJ Hamida officiel. Elle a bien mix party. Dans un instant on va revenir. Il y aura quoi comme morceau? Je tenais aussi à passer un morceau qui me tenait à cœur et que tout le monde kiffait aussi. C'est un morceau que j'ai fait avec un grand artiste marocain. Je suis parti au Maroc avec lui. Donc il s'appelle Daoudi. Et c'est un morceau que j'ai fait avec mon ami Bachir, Prod Valeur, ici présent, Madine Toulouse. Et c'est un morceau que j'ai eu beaucoup de feedback dessus, que plein de monde ont aimé. Et bon, on va le balancer dans quelques minutes. On retrouvera aussi au micro de Planète Rap Kaina qui est là avec nous. Ouais. Et Kaina elle, qui nous a annoncé, puisqu'on parlait justement de l'album de Rimka il y a quelques minutes, toi c'est 22 septembre. Ouais. On va le rappeler parce qu'il y a plein de gens qui l'attendaient là pour la semaine prochaine. C'était prévu pour le 23 juin. Mmh. Donc finalement on laisse passer l'été et on se retrouve le 22 septembre. Thug Wife, c'est la date de sortie, voilà. Bon, puis en attendant, il y a toujours des clips aussi, il y a de l'image. Ouais, il y a de l'image aussi qui va arriver, donc restez branchés aussi sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Kaina Samet officiel, Twitter Kaina Samet et Instagram Kaina Samet aussi. Et c'est bientôt la fête de la musique, c'est samedi. C'est samedi. Donc moi, je serai en concert à Argenteuil, donc j'invite tous ceux qui sont dans le coin à venir. Je crois qu'il y a Zahira aussi qui chante, des groupes locaux. Donc voilà, c'est gratuit, c'est la fête de la musique, on va kiffer ensemble, ça se passe à Argenteuil. Donc direction Argenteuil pour croiser Kaina. Voilà. L'artiste, tu nous avais dit aussi, toi, le 21, t'es en concert, il y a un... Ouais, j'ai trois dates là, celle de demain avec Mida au White Dream. Ensuite, j'ai vendredi. Et samedi, je suis à Strasbourg. Donc samedi pour la fête de la musique, toi t'es à Strasbourg. Ouais. Kaina Argenteuil, Rimka, tu seras où pour la fête de la musique? Fête de la musique, j'espère, Inch'Allah, je serai au bled déjà. Au bled là, en même temps on va voir le match là-bas et tout. Et le 26 juin, je serai à Nancy, à Lublot. Et ça va être un concert spécial parce qu'il y aura le match de l'Algérie contre la Russie. Oh merde. Donc tu vas faire comment? Non mais tout le monde est convié, on va regarder le match tous ensemble, en famille, on va kiffer. On va boire des briques, tout ce qu'il faut. Et juste après le match, eh ben, on se fera un bête de concert. Et donc, quoi qu'il arrive, ce sera une grande fête, de toute façon. Voilà, grosse fête. Donc, c'est le 26 juin à Nancy. La salle, c'est Lublot. Voilà. Lublot, du côté de Nancy, le 26 juin. Voilà. Pour, et tout l'été au Maghreb, après le ramadan, au mois d'août, vous nous verrez partout, partout. Partout. Partout, frère. On va vous fatiguer. Voilà. Tu tweets toujours autant, Rimka, ou pas? Ou ça Un petit peu moins, ouais, je vais pas te mentir. J'ai l'impression qu'il y a. Les teams insomniaques. Ouais, un petit peu moins, je vais pas te mentir. Bon, il y a un petit frère aussi qui gère un peu les réseaux sociaux pour moi. Mais bon, on est toujours là et on est proche du public depuis le début. 113, les gens ils nous connaissent comme ça. Nous, on n'est pas des gens, on n'est pas des artistes, nous, on est des gens du peuple. Voilà, frère. Si. Donc, pour avoir de nouvelles, pareil, vous suivez Rimka. Sur les réseaux sociaux, les réseaux Facebook, sociaux. Twitter, Rimka officiel. Et voilà. Et DJ Hamida, ne pas oublier dans les bacs. Allez chercher la famille. Aïe. Et dans un instant, à la Bien Mix Party revient avec DJ Hamida. Ce sera juste après ça. Comme toi, DJ Hamida a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planet Rap entre 20h et 21h avec DJ Hamida. Elle a bien mix parti dans les bacs depuis le 2 juin. Et qui cartonne, c'est ça qu'il faut dire. Et cartonne, c'est un véritable carton. Donc ah, continuez, même le titre aussi, déconnecté avec Kaina, avec Rimka, avec l'artiste qui sont là ce soir entre 20 et 21. Ouais. Dans un instant, il y a un gros live qui se prépare. Question aussi pour repartir avec des chichas électroniques. Ok, on a encore des chichas à faire gagner ou qui? Eh ben, allez-y, vous envoyez un message 41759 à la question suivante. On en a parlé il y a quelques minutes. Où se sont rencontrés pour la première fois Rimka du 113 qui est là et Hamida? Allez, dans quelle ville, dans quel pays? Allez-y, vous envoyez des messages. Faut avoir suivi, hein. Faut avoir suivi le début de l'émission. 41759. Ah bah, vous pouvez joindre, envoyer un message avec votre prénom, numéro de téléphone. Et ça n'est pas la mayonnaise, l'indice, hein. De Dijon. La célèbre. 41759 avec le hashtag DJ Hamida sur Skyrock pour repartir avec des chichas électroniques. Ou qui chicha? Allez-y. Yes, yes. On balance un autre morceau? Derder, okay, des Z. On balance un autre morceau, bah c'est le Daoudi. Et bah, c'est parti. Derder officiel. Les déserts. T-shirt sont dispo. la session prochaine à bien mix party. Un petit mot sur ce morceau, Amida. Qu'on vient d'écouter. Ce morceau, ben, c'est un mec, c'est le Michael Jackson de chez nous, Daoudi. Donc, j'ai pris l'avion, je suis parti en bas à la Casa, je suis rentré en studio avec lui, et puis, on a tu as été dans son ranch, Neverland. Ouais, c'était magnifique. Non, c'était super bien, c'est super bien passé, et puis, je suis très honoré d'avoir un mec comme lui, sur mon album, tu vois, parce que. Faut dire que c'est quand même la classe, c'est une grande, grande star d'un style musical qu'on appelle le Shaabi, au Maroc. Et c'est quand même la classe, c'est vraiment. De l'avoir, un grand, grand artiste. Très, très honoré de l'avoir. C'est un mec que j'écoutais étant tout jeune, hein, les darons, les darons. Exactement, daronnes, c'est quelqu'un. Quand tu vas au bled. C'est un mec qui fait bouger tout un peuple avec sa musique, donc. Lourd. Voilà. Et ben, on le retrouve donc sur la Bien Mix Party qui est dans les bacs depuis le 2 juin. Il y a quelques minutes, j'ai posé une question. On est avec Mathieu de Draveil. Salut Mathieu. Salut. Ça va bien Mathieu? Salut à tous. Salut Mathieu. Et ben, salut. Je te présente Amida. Il y a Kaina, il y a Rimka, il y a l'artiste qui est là aussi avec nous. Et il y a toi Mathieu. Tu as la bonne réponse à la question que j'ai posée? Oui, Madrid. La question était la suivante. Où se sont rencontrés pour la première fois Amida et Rimka du 113? Et tu me dis donc Madrid en Espagne. C'est pour toi, on t'enfile une. Et puis il y en a une autre aussi qui va repartir là au 41-759. On va la piéger là, c'est ça. Ainsi que l'album dédicacé. Mathieu, t'as un petit message à faire passer, une question, vas-y, c'est le moment jamais. Hein. J'aurais une petite question pour DJ Hamida et ça serait pour savoir comment ça vous est venu l'idée de faire un son comme ça à trois avec Rimka, l'artiste et Kaina Samet particulièrement. C'est une histoire de famille, Ray. Donc Rimka, histoire c'est le famille. Tonton. Kaina, c'est ma grande sœur. Et l'artiste, c'est mon frère. Donc en fait, on travaille avec le même label. Et puis, étant donné qu'on travaille sur le même label, on a décidé de faire ça comme ça. Voilà. C'est plus une question de feeling, tu les as tous vus ensemble, tu t'es dit voilà, ensemble, le morceau devrait déchirer quoi. Voilà, donc voilà. Et il déchire. Alhamdoulilah. T'aimes bien Mathieu toi? Ah, il déchire de fou. Et bah écoute, franchement, ça va être le son de l'été, moi je dis. C'est le son de l'été. Merci. C'est le son de l'été, ma gueule. Je pense que les gens autour de la table diront pas le contraire. Est-ce que c'est le son de l'été ou pas? Ah, je sais pas. Merci à toi en tout cas Mathieu. Mathieu, il a dit hamdoulah quand même. Big up Mathieu. Ah bah Mathieu. Big up à Mathieu là. Ouais, Mathieu. Moi je représente l'Egypte. On n'est pas en Coupe du Monde, mais je représente quand même. Ça fait plaisir. Mathieu l'Égyptien, c'est classe, ouais. Eh bah oui. Merci à toi en tout cas Mathieu. Merci à toi. Merci à vous surtout. Et pour big up à vous tous, big up à Skyrock, big up DJ Hamida, Rimka, Kaina Samet, Martine. Merci Mathieu. Et bon retour au Caire. Ciao, passe une bonne soirée sur Skyrock. Et DJ Moons. Entre 20h et 21h. On écoute est-ce qu'on fait du live maintenant, Amida? Est-ce que tu es prêt pour le live? L'artiste, est-ce qu'il est prêt? Toujours prêt, mec. Est-ce que Kaina est prête? T'inquiète. Rimka? Toujours prêt, mon ami. Toujours prêt. On est là, c'est chaud. Allez, quand vous voulez, c'est l'heure du live. Dans plein cœur, il y a un gros live de prévu. DJ Hamida dans les bacs depuis les 2 juin. C'est à la Bien Mix Party. Allez chercher ça, la famille. Ok. À la Bien Mix Party. DJ Hamida. C'est l'artiste, baby. DJ Hamida. Calme. C'est DJ Hamham, j'aurai le rôle du sida. Même si t'es une bagra. Voilà la boule. 1, 2, 1, 2, 3. Viva le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Et y'a même les saracolés, dédicace à tout le monde. Dans la foulée, on se voit à la piscine, Mayabé, on va débouler. Je m'accroche à la villa pour ne pas couler. Tu veux me choupa choup, si tu veux, je veux la mouler. J'ai stoppé le bédo, donc faut pas me saouler. Faut pas me prendre la tête. Non, non. Là, j'ai pas le taille. Je suis là pour faire la fête et profiter du sunshine. Faut pas me prendre la tête. Paris, bye bye. J'm'envole pour Hammamet ou Kesh avec mes saïsaï. Fuck la coke, les ambiances bizarres, les délires de travelo. Taille bizarre, là où je vais, pas besoin de visa. Pas de Youssef Akdoum qui se moque le visage. Héraï, héraï, héraï. Paris, Marrakech, l'artiste est DJ Hamida. C'est le truc, t'as changé, t'es devenu sexy. Toi tu vas plus au bled, non tu vas au Mexique. Ok, Salut, Inch'Allah que t'attrapes le palud. Tu m'allumes, mais t'es pas taille. T'as pas le mec, mais c'est style. Chérie, approche qu'on s'en jaille. Souviens-toi l'été dernier. Tu m'as kiffé si on fait les bails. Pousse le son à fond chez toi. Danse pour moi le bye-bye. Oui, je te dirai bye-bye. Allez, monte avec moi. Roule avec Arosa. J'ai le flow du Rockma. Le flow testa rosa. Je me réveille, tasse de café Twitter. Aspirateur, plume au Swiffer. Comme le blond dans Gad. Petit pas de danse comme Michael dans Bad. Wesh les camarades, on s'évade. L'album arrive, hit parade. Danse sans gêne. Si t'as du swag sur la piste, on t'emmène. Danse sans gêne, c'est le son que t'aimes. L'album arrive, demande à double M. Polo, polo, polo, j'fume plus d'herbe, j'suis plus trop écolo. Fuck les gigolos, les cougars en aide hardy. On fait la fête même le mardi. Et on recommence, on fait les bails. Sur Skyrock, DJ Hamida. Ça te latte, 96, tu m'as aussi. Oh mon pote la boule, comme un de ethnie. Toute la D2, Victoria Secret, toute la D2, le Boudin de Sunny. Aïe aïe aïe, danser les récits. Ouais, je bondis. Quand tu m'envoies des photos, on dit quoi? Je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos, ramène toutes les tigresses. Je veux pas ta Beyoncé. J'ai pas le compte à Carter. Tu vas finir poncé. Je ne dure pas qu'un quart d'heure. J'aime quand tu me fais. Genre t'es de Sao Paulo. Mais mon pote à Rumba. Parce que t'es une Moroto. Le ramadan est fini. Tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garettis et les bouteilles d'alcool. Je te fais un jean Philippe plein. Mais ma chérie faut le remplir. C'est comme quand t'as fini pain. Alors je vais sortir. Au pire il me reste mes mains. Et des photos de Rihanna. Quelques rouleaux de sopalin. Tu brûles. DJ Hamida. Remettez. À la bien mixe party. Ok. À la bien mixe party. Dédicace à Francisco. Pour ce son chez toi, c'est le moment de faire la fête. Parti dans les bacs depuis le 2 juin. Yeah. Je suis un peu défoncé, mais fuck, j'ai pas garé de gamos. Micro dans la poche, intérieur gauche, DJ Hamida. Allez, vamos. C'est pas mes sauces, mes blaugrana. C'est pas le money, faites pas les malins. L'album arrive phénoménal. Trop en avant, je me barre au Ghana. Oui, bientôt, je me barre au Ghana. Ici, y'a trop de piranha. Tout le monde veut mettre sa banane. Moi, j'ai la recette qui plaît aux fans. Je monte sur scène, tu montes sur la table. Tu connaissais pas, maintenant, tu pètes un cap. Tu veux une photo, tu m'envoies ton snap. Tu vois qu'on est cool et respectable. Get stupid, stupid. Des spots, des boîtes de nuit de Marrakech. J'suis en showcase, à jamais le FNA. En Bermuda, sur une calèche. C'est Purple Money, faites pas les malins. Yeah, c'est 6 on 9, faites pas les malins. C'est bon, dis, n'en faites pas les malins. Cette fois-ci, y'a pas de câlin. Y'a trop d'imitations, mais peu d'égal. Ce soir, c'est moi qui vous régale. Ce soir, c'est moi qui vous régale. J'fais que du lourd et que du sale. J'suis posé au calme dans l'arrière-salle. Avec Francisco et quelques femmes. Get stupid! Ok! Gros gros big up à l'Algérie! Inch'Allah, le prochain! Prochain seul bon! Dédicace à Kader japonais! On est bien sur Sky, la famille. Aïe, aïe, aïe. Ferme les yeux, c'est l'été. Fais comme si tu y étais. Hey, wa papi chat. Faut pas t'inquiéter. Dis-moi comment tu vas. Depuis remetté. J'suis super refait. Comme un fils d'épicier. Rouhou yé ou l'aide le trabendo. Quel n'est ou l'hda jamin ou l'eau. À la dernière partie. Dans les bacs depuis deux jours à la famille. Il arrive chat qui danse dans les studios. Ah. Ouais. Ouais. Et tous mes Algériennes, tous mes Algériens. Là-bas c'est surexcité. De Tunis à Tanger. Je traîne à Capri-Tour. Pas très loin d'Alger. Ah. Il a fait nous rêver. Au fond du club, je suis calé. Eh mamma mia, je suis avec Kader japonais. Allez. Et comme je vous ai dit, c'est dédicace pour l'Algérie, cela, pour le Maroc, la Tunisie. Et la première vague d'immigration, la deuxième, la troisième. Jazeera, soldat. Oh, ma pote. Dédicace à Rabat. Dédicace à Mida en platine. L'artiste, Marina. Eh, ouais, mon pote. Et. Mamma mia. Ça va finir en sushi. Bon, c'est tout. Bah voilà, je sais pas, on finit. Plaid. J'ai dit Hamida au platine. On finit par quoi? Pour ma part, en tout cas, je suis, tu m'as épuisé. Yeah, yeah, yeah, yeah. On a bien parti mix dans les bacs. Yeah. J'ai besoin d'air. Chacun la porte partie, je sais la clé. Tu dis, j'ai besoin d'air. Sky, rock, DJ Hamida, Rimka, l'artiste baby. Ouais, on est là, cousin, c'est le son de l'été. Je me suis déconnecté. Je vais mettre mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté. Je mettrai ce répondeur tout l'été. Et j'écouterai du. J'efface mon passé maudit, ouais. J'ai mis les bagages dans le gym. Je suis sous le ciel gris de Paris, mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu un gris, donc je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées, feu rouge donne toujours une petite pièce. J'ai un frère, j'ai fait tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pars faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de tune, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je passe le jour en image, mets un bisou au village. Dis le Jazeera, mon pote. J'écouterai du Biggie, du Hamida pour m'ambiancer. Un ouais, mon pote, dans une piscine, j'fais la paix. Ne m'appelle pas, hey, j'suis pas là, la la la la la la la. J'désactive mes comptes avec mes gars, j'suis sous le soleil. Hey, ne m'appelle pas, j'suis pas là. La la la la la la la. succès d'un Rio Rukus. Rien n'est jamais vaincu, mon frère. La garde à 28 jours. Ils sont là ou pas? Moi je suis qu'un Billy Forni, en fumée 350 Belchis sur les bords de la corniche. Rien à faire, rien calme à la mentale. Je m'en bats, je voudrais passer le aîné à ma bien-aimée avant je taille. Comme j'aime être ni juste sentimental. Partir loin, rien à faire, fais poste, ne nous lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton j'appellerai mercredi, dès que l'avion atterrit j'applaudis. Comme les Chibéni, je vois la carte résidence à mon moment d'évasion. Yahmar, lève-toi et danse. Dangerous. L'artiste baby. Elle fait la fiesta. Se laisse prendre par la taille. Elle assure le spectacle. Par ici la dangerous. Dangerous. Yeah. Dangerous. Yeah. Dangerous. Dangerous. Elle et moi on s'évade. Si on reste qu'on s'évade. Et ce monde là on sait pas. Elle m'a répondu, je sais pas. Ta tête au pied, tu es le goûter. Voilà. T'es faite pour moi, n'en plus douter. Mais si tu laisses tous les hommes passer, passage clouté. Tu wine, t'assures, tu maîtrises. Minimum le S-line, sinon tu méprises. Tu gères ton corps comme une entreprise. La nuit, ta pète, t'es sous son emprise. Elle aime faire la fiesta. Mais ce qu'elle est fou, se laisse prendre par la tête. Par ici, là. Dangerous. Yeah. Dangerous. Yeah. Elle est dangerous. Dédicace à Amine, Karima, Usine. Dangerous. Et quand je la Broly, danser puis faire la star. Serais-tu l'ange de mes cauchemars? Dédicace à Rabat. Elle a répondu, je sais pas. Ouais, tu m'as reçu des hommes envoûtés. Partout tes femmes sont envoûtées. Mais si tu laisses tous les hommes toucher, tu ne seras plus velouté. Tu wine, t'assures, tu maîtrises. Minimum le 4 étoiles, sinon tu méprises. Au fond de ton cœur, c'est vraiment la crise. La nuit t'appelle, t'es sous son emprise. Elle aime faire la fiesta. Des favelas à la villa. Elle assure le spectacle. DJ Mida. Dangerous. Yeah. Dangerous. Elle est dangerous. Baby. Dangerous. Ouh là là. Lourd la famille. Merci, merci. Du bruit la famille. Yeah. Didier Mida. Non mais tu plaisantes. T'arrêtes pas maintenant. Attends, on a encore 5-6 minutes. Attends, tu nous laisses comme ça sur notre fin. C'est pas normal. C'est qu'est-ce qui se passe? Pas bouger. Nous avons une réclamation. Je crois comprendre en effet. Je crois qu'on peut en prendre note. Faut pas pousser ou pas ce soir? Faut pas pousser, mec. Alors, s'il faut pas pousser. On est reparti, allez, 5-6 minutes, allez, encore qu'on finisse l'émission comme ça. Qu'on profite de cette ambiance dans le studio pour le Planet Rap de DJ Amida à la Bien Mix Party avec Kaina qui est là, avec Rimka qui est là, avec l'artiste qui nous a offert un beau live. Il nous a fait offrir un beau live là. Youssef. Yes. Ah, je crois qu'il va falloir que tu ailles voir Amida pour choisir un petit son et moi le temps de rappeler. Ah, merci Karim. C'est la cigarette électronique qui vient d'arriver, offert par Tonton Karim, merci beaucoup. Électronautique. C'est ça, en fait, c'est le truc électronautique. On est prêt ou pas, messieurs? On est reparti? Ouais, normalement. Allez, Amida, quand tu veux maintenant sur Skyrock dans Planète Rap avant de faire tourner ensemble la roulette. C'est ça, Amida, quand c'est. Je sais pas, on en veut encore. Faut aller chercher. Bah oui, attends, fallait pas s'arrêter. On en était là, là. On en était là il y a quelques secondes. Big up à Mama, du white. Yeah. Ok. Les gentils mais faut pas pousser. Pas pousser. Je fume pour arrêter de tousser. Un peu nerveux, un peu émoussé. Faut pas pousser. Ce soir j'ai une forte envie de mousser. Envie de mousser. Dès que j'arrive, le changement climatique. Moi et ma clique, on est vraiment magique. Dès qu'elle nous voit, t'agorapique. Boum boum, c'est l'automatique. C'est la vie d'artiste de village à cousine. Tu crois que c'est factice, demande à ta cousine. Tu parlais de moi, ça c'est la jalousie. Chacune de mes rimes est à coup de fusil. Ferme ta gueule, ouais, laisse-moi faire. Que tous tes gars, tu mets ta terre. Je veux mettre un terme à tout vos blabla. Pour baiser tout le monde, pas se devient grave. Mais ta tête parle, ça devient grave. Obligé de faire la hagra. Mais quand on parle, c'est pas grave. On a les trucs qui vont faire ta part. le cheat sur moi. Genre à la première cité, j'ai toujours du but sur moi. Un neuf pour les gosses excités. Calma, calma, petite dep, faut que tu recules. Au-dessus 30 000, j'te vise la tête. En dessous 15 000, j'te vise des rotules. Entre les deux, Allah ou Alem. Touche à la famille, c'est plus la même. Tu pourras payer, pleurer ta mère. La vie de la mienne, que c'est plus la peine. Wesh ma gueule, tu sais quoi? J'ai lancé le délire à Chichawan. Je rafale ta mère à Marrakech et jette ton corps à Chichawan. Yeah. Pas joujou. Pas joujou, mes amis. Ok. On est gentil, mais faut pas pousser. Pas pousser, pas pousser. J'fume pour arrêter de tousser. Arrête de tousser. Un peu nerveux, un peu émoussé. Ce soir, j'ai une forte envie de mousser. Ce soir, j'ai une forte envie de mousser. Ce soir, j'ai une forte envie de mousser. Si, si, la famille, c'est pour mon 9-3, le 9-3, le 9-3, et la province, bien sûr. Attention. Maintenant, place à des Yahmida, attention. Dédicace, attention. À l'instant, faut pas pousser. Avec l'artiste, avec nous aussi, entre 20h et 21h. Tiens, récupère l'autre micro. Hop, voilà, qu'on entend. Ok. Voilà. L'artiste qui prépare son album pour le mois d'octobre. Donc, c'est octobre, hein. Voilà. J'ai écouté, c'est du lourd. Je sais que j'ai déjà dit, mais je le redis. Premièrement, c'est l'équipe, et deuxièmement, c'est sincère. Il est gros talent, il compose aussi, donc faudra suivre de près. Merci, Kena. C'est l'artiste, donc, baby. Au mois d'octobre, d'ici là, on peut aussi retrouver tes sons un peu partout aussi, l'artiste, à ceux qui veulent kiffer. Ouais, exactement. Et en récupérer exactement, peut-être dès ce soir. Et je pense qu'on va un peu compiler les petits trucs que j'ai fait à droite, à gauche. On va les compiler sur un projet qui va sortir d'ici le mois d'août aussi. Ouais. Mais ça, on en parlera en temps venu. Là, pour l'instant, franchement, moi, je veux revenir sur. Faut pousser, là. Je veux revenir sur la compile du frérot, elle est lourde, extra lourde, faut aller l'acheter. C'est sorti depuis le 2 juin, ça s'appelle Ala Bien Mix Party. Et puis voilà, nous tranquille, on arrive derrière. Tranquille, 10 balles ma gueule. Je pense que Rinka, plus, tout comme Kaina, tout comme moi, on a du son. On va vous ramener du bon son, je pense. On va vous préparer du bon son sur nos albums respectifs. Mais pour l'instant, vraiment, faut soutenir le frérot Didi Ahmida, parce qu'il est tout simplement lourd. Voilà. Grosse moustache, grosse coche. Bon, avant de se quitter, on va faire tourner la roulette pour ce soir, c'est parti. Skyrock t'offre les premières places pour la première tournée française de Black M. Salut toi, Libre de Mo, ça va bien? Salut, ça va et toi, Fred? Ça va, en pleine forme, tu entends cette ambiance dans le studio, toi, Libre? Ouais, du lourd, Remka, salut Remka. J'espère que ça va te porter chance, non seulement pour la roulette, mais il paraît que demain tu passes l'épreuve du bac électronique, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais, c'est galère, mais bon, je vais faire ça demain. Épreuve importante, c'est quoi toi, l'épreuve que t'as demain? C'est électrotechnique. Électrotechnique. Épreuve de 5 heures. Donc, Ah oui, épreuve de 5 heures. Vous construisez quoi en 5 heures? En 5 heures, c'est. Allô? Ouais, je t'entends. On fait un quoi? Pendant 5 heures, on va faire que de l'écrite et puis voilà. Ouais, ça me fait peur. Franchement, moi je le sens mal. Hein. Oh, t'es dur, le truc horrible, Kaina. Je rigole complètement. Oh, toi, Libre, on croise les doigts, tu vas voir ce bon que je pense que c'était 24 Inchallah. Heures de chance, bon puisque courage. Là maintenant il y a la roulette, on y va, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. D'accord, ça marche. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi, Libre, sur la case, c'est. Et ben voilà, regarde, la chance commence avec deux places fort, pour aller voir Black M. Merci Fredo, ça va. Demain le bac. Ça fait plaisir. Et ben bon courage à toi en tout cas, révise bien. Merci bien. Et sois fort demain si ouais, tu bon révises en ce moment, qui passe des examens. Tu devrais aller dormir dans pas longtemps, comme ça t'as toute ton énergie. Ah, petit conseil de Kaina. Conseil anti-stress. Le sommeil, la respiration, la concentration. Tu étais jusqu'où dans les études? Bac plus 1. Donc alors les épreuves qu'il y a en ce moment, c'était quoi? Il y a du stress forcément, mais il faut le transformer en stress positif. Tu chantais? Je chantais, ouais. Je rappais aussi. Je crois que c'est ce que je veux faire. Ah ouais, bah toi, Libre, écoute, bon courage, peut-être une nouvelle carrière. Écoute mon conseil, moi j'ai fait bac moins 5, mon frère. Roule-toi. Petit conseil, Rimka, toi aussi, non? Ça sert à rien de stresser. Ouais. Si tu l'as, c'est que t'as travaillé l'année. Si t'as pas travaillé. Y a pas de suspense. Ça sert à rien de forcer. La recette, okay, c'est deux feuilles, clope en briquet. Au moins, ça passera plus vite. L'artiste aussi, les études, non, c'était ça ou c'était pas ça? Moi, perso, je me suis arrêté avant le bac en fait, je me suis chié dessus en fait. D'accord, bah écoute, c'était sympa, merci. Hein. Allez. Si vous êtes en train de dîner, mais il s'est changé depuis, hein, je tiens à rassurer tout le monde. Ah, j'ai flippé, j'ai arrêté avant. Avant, tu t'es arrêté juste avant. Ouais. Amida, pour finir le tour de table là-dessus. Moi, bac plus 2. Mais à la deuxième année, je me suis barré parce que fallait mettre du coco dans la voiture à Bac Pro, pas trop plus de. Non, bac plus de platine, ouais. Bac, non, j'ai eu un BTS. Mais qui a son bac ici? Levez la main. Moi, j'ai mon bac, ma gueule. Ah ouais. Il y a 10 ans en arrière, j'ai passé mon bac. Ceux qui n'ont pas les images, ils sont. Voilà, avec Mehdi Massif, mon frère, on est parti, on a passé le bac. On l'a eu, on tournait un scooter à la Non, bah, moi, je suis allé jusqu'au bout, je l'ai pas eu non plus. C'est la radio. Tu nous donnes de la force. Pick up à Bon, rassurez-vous, en tout cas, les statistiques. En tout cas, je peux vous dire que par rapport au sud de les statistiques de France sont fausses. Hein. Ah, d'accord. Le 75% de réussite, il est pas ici. Voilà, bac plus 2, lycée Jean Jaurès, le Creusot. Bon, allez, merci à toi, Libre, à l'instant. Merci à vous tous aussi pour Fred, ce plaisir. Je voulais faire une annonce. Je voulais faire une annonce. Rappelez vraiment la date de demain. Vas-y. Je pense que ça va être le feu au White Dream à Paris avec Didier Hamida. Il y aura des images pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'y être. Et puis une grosse dédicace à Mamad aussi. Garde la pêche, frérot, à Moussik, à tous les frérots qui sont en prison. Et ben merci à toi, la grosse dédicace à tous ceux qu'on a perdu. Merci Amida, on se retrouve demain. Merci Rimka d'être passé aussi. Merci à toi, Rimka. Merci à tout le monde. DJ Hamida, toute la famille Bondi, le projet d'Hamida dans les bacs. Voilà, et en attendant. Et puis on attend le tien aussi. Voilà, l'album arrivera, Inch'Allah, vous inquiétez pas. Merci Kaina. Ouais, merci à toi Fred. 22 septembre, tu repasses d'ici la fin de soirée. Ouais. Écoute, je sais pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, le 22 septembre, il y a mon album de voix. Faut aller chercher l'album de Didier Hamida, là, c'est l'actu déconnecté, tourne à fond partout, donc ça fait plaisir à tous. Et voilà quoi, bonnes vacances, bonne fin d'examen à tous ceux qui bûchent. Qui sont en plein dedans. Voilà. Et puis gros big up et moi je fais une grosse dédicace à Rimka 813 et à Kaina Samet parce qu'hier ils étaient en dépression les deux. C'est le belge, il y a embrouille. Non mais tu n'étais pas bien en face. Qu'est-ce qu'il parle? T'as un surpoids de 90 kilos, le belge. Qu'est-ce que tu parles? Ah, mais c'est tu pas peux grave. Même pas courir 40 mètres, gros. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux parler sport? Merci, tu me lèves. Cédric arrive et il y a déjà une embrouille. C'est ouf, ça. Là, je voulais appeler Rimka hier. Je voulais appeler Rimka hier, mais il était injoignable. C'est bizarre. Oui, on a essayé de te traquer toute la soirée, Rimka hier soir. C'était dur hier. C'était dur. Même moi, d'un coup, j'ai disparu des réseaux sociaux. J'ai mal digéré. Oui, j'ai vu, Kaina. T'as vu? Le pire, c'est Kaina Samet, elle m'envoie un message au premier but, tu vois, pour bien me foutre la haine. Et après, bizarrement, il n'y avait plus personne, tu vois. J'avais l'inspi, j'étais en train de faire un nouveau morceau là. C'est ça. Non, mais on va. C'est pas terminé, quoi. Non, nous, c'est clair. C'est le premier match. L'aventure continue. Nous serons victorieux. Inch'Allah. Eh bien, merci à vous. Merci Kaina, merci Lucas. Bisous, Dipou. Et on arrive dans un instant pour les DJ Hamida demain. Ah là, demain, Tifoul. On arrive demain pour la Radio Libre. Merci pour les gâteaux hier. On va le chercher, photo. Ouais. T'inquiète. C'est parti, Radio Libre, tout de suite sur Skyrock. Vous nous appelez, vous débarquez ici. On arrive dans une minute. À tout de suite. À toutes. Après son planète.